Il en manque. Ça, c'est la 16. En fait, là... C'est une erreur mathématique. Combien j'ai de mesures, là? Si je pars sur le... Là, je vais mettre sur le 0, ce sera plus facile. Hein. Ah, merde. D'accord. Hop. Hop. Voilà, c'est bon. Après, je me remets là. Tac. Ah merde, encore plus sombre. Merde, raté. Trois. Tout ça pour ça. Trois. Karma. Thank you.